Vous êtes à l'antenne de CKRL 89.1 et ce futur simple se poursuit avec une plongée au cœur de la cognition humaine. Et pour cela, je reçois Benoît Béchard, qui est docteur en psychologie de la décision et chercheur au laboratoire CODOT à l'Université Laval. Bonjour, bonsoir Benoît. Allô, bonsoir Valérie, comment ça va? Ça va très bien et oui. En fait, je suis bien heureuse que tu viennes nous parler un peu de ces bibites que sont les biais cognitifs. Oui. Donc la dernière fois que tu étais venu à l'émission, il y a peut-être quelques semaines, tu nous avais présenté qu'est-ce que c'est ces biais cognitifs, comment c'est un raccourci finalement qui nous fait pas vraiment analyser, parce que justement on ne l'analyse pas, mais interpréter certains faits. Est-ce que tu peux revenir un petit peu, nous réexpliquer, nous redonner les bases de ce que c'est sont ça. Les... On avait pris quand même un petit bout de temps, peut-être une demi-heure, pour expliquer certains biais cognitifs. On avait ciblé quelques-uns. Puis... la trame de fond de ça, Valérie, comme on avait discuté il y a quelques semaines, c'est que la capacité cognitive, la cognition humaine, elle est limitée. Au départ, il y a tout un tas d'informations dans notre environnement de décision, les environnements du monde réel qu'on côtoie au quotidien, que ce soit une décision financière ou nos décideurs politiques, et mon dada aussi, ils ont à prendre tout un tas de décisions en série, une décision après l'autre. Et ces environnements-là dans lesquels on prend des décisions sont complexes. Il y a tout un tas de variables, il y a tout un tas de facteurs qui interviennent, des facteurs qui sont interconnectés. Et nous, face à ça, l'humain, les experts comme les non-experts, la capacité cognitive, elle est limitée de l'humain. Fait que ça nous amène souvent à prioriser certaines brides d'informations, certaines pièces informationnelles, tu sais, pour prendre des décisions. Ce qu'on appelle des raccourcis ou des heuristiques dans notre jargon de cognitiviste, on veut. Et pas toujours, mais dans certains cas, les raccourcis cognitifs nous amènent à des décisions qui sont biaisées. Alors ça, c'était la trame de fond qu'on avait explorée un petit peu. Ouais. À travers différents exemples, je pense que tu te rappelles bien, on avait, je pense, parlé du biais de confirmation il y a quelques semaines. Ouais. Le statu quo, je crois. Le statu quo, tout à fait. Ouais. On en avait deux ou trois, puis on y avait eu des petits exemples aussi. Puis c'était vraiment pour mettre la table sur les à propos des heuristiques les plus communs, les plus communes, parce que c'est un nom féminin, heuristique, les plus communes dans nos décisions au quotidien. Le biais de confirmation, c'est quelque chose de très, très, très répandu, que ce soit en politique, en finance, etc. Souvent, on a tendance à s'accrocher aux pièces d'information, aux informations qui confirment nos a priori. On a vu ça, nos croyances, puis tasser du revers la main ce qui va infirmer nos croyances. On fait des recherches sur Internet, on trouve un lien qui confirme ce qu'on pense, puis j'ai raison tout d'un coup. Alors, si on avait vu ça... Puis là, en réfléchissant un peu à notre entretien de ce soir, merci de m'avoir invité d'ailleurs, ça veut dire que j'ai quand même, j'ai rempli le travail. je voulais avoir une perspective plus positive ce soir avec toi. Ouais. On parle bien que on est limité, la cognition humaine. Il y a quelque chose de frustrant finalement à se sentir piégé par ces biais de confirmation qui nous voilent un petit peu la réalité ou qui nous empêchent de prendre de meilleures décisions. Oui, tu le soulignes bien, d'autant plus que frustrant. C'est frustrant, d'autant plus que à plusieurs égards, c'est inconscient. On a beau faire des efforts pour tenter de prendre des décisions objectives, être analytique ou penser de manière globale, souvent c'est inconscient, puis ça va même dépasser nos efforts conscients. Alors je voulais être un peu plus positif ce soir, puis je voulais qu'on tente d'explorer ensemble deux façons différentes qui peuvent nous permettre de, je dirais, contrecarrer l'effet de ces failles cognitives-là un petit peu. Dans la littérature, là, on parle, et je t'avais envoyé quelques petites informations là-dessus pour te mettre un peu l'eau à la bouche de mon mathématique. on parle de nudge d'un côté, le to nudge, puis de l'autre côté, c'est le boost ou la capacitation. Alors, ces deux perspectives, certains de nos auditeurs vont peut-être comprendre, vont peut-être savoir ce que c'est le nudge, là. Puis, c'est ce que je voudrais peut-être explorer avec toi, là, ce soir. Moi, je ne sais pas du tout ce que c'est, là, le nudge, donc vas-y. Bon, parfait. Vois-tu, le nudge, c'est on le traduit peut-être en mauvais français, comme un coup de pouce ou un coup de coude. C'est une façon d'intervenir qui va encourager les individus à prendre des décisions dans une direction en préservant leur liberté de choix. Hein. Et ça, c'est pas des, ça vient pas de nulle part là. C'est des travaux qui sont quand même très sérieux, ils ont été mis de l'avant par Richard Thaler puis Sunstein, Cass R. Sunstein, qui sont Richard Thaler qui est un Nobel d'économique, hein, 2017, qui ont écrit un livre qui s'appelle justement le nudge, hein, donc le coup de coude un petit peu. Et c'est tenter d'encourager donc les gens à prendre des décisions sans modifier leur menu de choix, hein, sans être paternaliste, je dirais, mais en les influençant un petit peu pour les amener à prendre des décisions, puis pas rester dans le statu quo, pour bouger. Alors le nudge, là, de manière plus théorique comme ça, on viendra plus dans le pratique après. Oui, c'est ça, ça va être plus facile. Ça se met en pratique, ouais. Je vais vous donner des exemples qui sont quand même assez parlants, là, qu'on connaît bien. Le nudge, c'est donc non contraignant. C'est des résultats qui sont immédiats. Quand on est exposé à un nudge, un coup de coude comme ça, c'est des résultats immédiats. Je le disais, c'est non moralisateur. Hein. C'est du, ils appellent ça du, nos amis américains appellent ça du soft paternalism. Mm-hmm. Et ça va donc modifier l'architecture des choix, modifier le menu de choix qu'on a. Puis ça a un effet qui est temporaire. Et ça, c'est important par rapport à ce que je vais vous parler un peu plus tard, le boost. Là. Mm-hmm. C'est un, lorsqu'on expose les gens à des nudges pour prendre des décisions spécifiques orientées, si on enlève le nudge, hein, si on enlève le coup de coude, l'effet disparaît. Oh. L'effet disparaît. Donc, c'est temporaire. T'as peut-être déjà entendu parler, Valérie, de différents nudges dans la culture populaire. Hein? Est-ce que... Non, pas du tout, du tout? Non. J'ai juste l'image de nudge, mais je sais pas du tout si c'est ça, mais comme des messages visuels qui étaient mis pour nous faire adopter des comportements, mais je sais pas du tout si c'est là que tu veux en venir. Exactement, ça c'est un très bon exemple. C'est un bon exemple qui est utilisé par exemple des institutions financières, des groupes d'intérêt, etc. On va parler de valorisation de la norme. Hein. Souvent, on va vouloir qu'une personne prenne une direction, un comportement, adopte un comportement spécifique, puis on va intervenir en mettant l'emphase sur ce que la majorité des gens font dans une situation donnée, ça, ouais. dans son district, dans sa région, dans son secteur dans la ville de Québec. Puis là, on reçoit, par exemple, un pamphlet à la porte qui est accroché à la poignée qui dit « 9 Québécois sur 10 considèrent qu'il est préférable de planifier sa retraite dès la vingtaine. Mm-hmm. » Alors, ça, c'est le peer pressure, hein, en bon Québécois, c'est la pression sociale qui dit que « OK, la majorité des gens font ça. Oui. » Alors ça, je sais pas si tu vois un peu mieux le nudge, ça nous enligne, ça nous amène à prendre une décision qui irait dans le sens de la norme, hein, la norme sociale. Mais c'est un peu moralisateur quand même, là. Sinon, on pourrait en débattre, effectivement. Ça, oui. Si tu fais pas comme les 9, les 90%, bah, t'es pas dans la norme, c'est pas bien, c'est un peu... Les défenseurs de cette approche-là nous diront que la personne, elle est pas contrainte quand même. Elle peut choisir malgré tout, mais effectivement, ça tend à nous amener vers une direction de décision. Mm-hmm. D'autres exemples qui sont peut-être plus colorés un petit peu, qui sont plus dans la culture populaire. En Angleterre, par exemple, ils ont utilisé le nudge à des fins de protection de l'environnement, environnemental, mais ça avait pas du tout à voir au départ avec l'environnement. Ils nous mettaient dans la rue, hein, dans des cendriers, hein, dans lesquels pour collecter les mégots de cigarettes, des cendriers où les gens pouvaient voter, hein, sur leur candidat, hein, candidat électoral, entre un ou l'autre des candidats. Préférez-vous tel candidat ou tel candidat? Préférez-vous le Parti travailliste ou le Parti conservateur? Et les gens mettaient leurs mégots dans la boîte de scrutin et on voyait augmenter les mégots tranquillement qui montaient dans les boîtes de scrutin. Alors là, quand tu vois que ton candidat est en dessous, ben là, t'as envie d'aller voter avec ton mégot de cigarette. Hein? Fait que ça, c'est un exemple de nudge qui, finalement, ne sert pas du tout à la politique. Ça sert juste à collecter les mégots de cigarette dans un endroit qui est très demandé. Les gens prennent une habitude, hein, mettre leurs déchets, si on veut, le but, c'est même pas de faire un sondage, c'est d'inciter c'est les un gens prétexte, par un, ouais. c'est ça par un biais là par un exact. Chemin détourné, de les inciter à mettre leur mégot là où il faut plutôt que de le mettre par terre. Exactement, ouais. Tu vois, ça c'est un exemple un peu qui nous fait sourire un petit peu. Ouais. Un autre exemple de ce type là, c'est qu'on voit souvent, là, par exemple, dans les centres commerciaux ou les bouches de métro, etc. Bon, ben, il y a des escaliers, puis t'as l'escalator électrique à côté. Puis là, il y a des gens, encore une fois, des Britanniques qui ont pensé à, on va mettre le nombre de calories brûlées. Ah ouais. Hein, à chaque marche à côté de l'escalator. Puis là, on se retrouvait parfois dans les bouches de métro avec des bouchons, littéralement, dans les escaliers. C'est drôle, mais dans les escaliers, puis les personnes prenaient l'escalator électrique à côté. Ça, c'est un autre exemple avec les... Bon, vous avez 0,05 calories de brûlé en montant cette marche-là. Une calorie, deux calories, etc. etc. Ça, c'est drôle, mais ça nous fait un peu penser, réfléchir. Hein, on est sur notre téléphone cellulaire toute la journée, on est dans la bouche de métro, on est en train de réfléchir à nos dossiers qui, bon, en allant au travail, puis là, oups, on tombe sur les calories brûlées. OK, ben, je vais monter. Tu sais, c'est un peu charmant. C'est charmant, comme. Ouais. Alors, ça, c'est des exemples de nudge qui sont une façon d'intervenir pour favoriser une décision plutôt qu'une autre. Okay? Ça a la prétention de dire qu'on peut éviter certains biais grâce à ça. C'est une approche qui est connue dans le monde. C'est pas la seule. Mais c'est intéressant. Excuse-moi, j'ai envie de te couper la parole. Ben, c'est intéressant parce que, en fait, tu dis que c'est une approche pour induire certaines décisions. Mais là, dans les deux exemples que tu nous donnes, là, pour mettre le mégot au bon endroit ou prendre l'escalier, en réalité, les gens n'auraient même pas... C'est même pas une décision parce la plupart auraient mis de toute façon le mégot par terre. Ils n'auraient pas pris la décision de le mettre par terre. Ouais. Ça se serait fait sans même qu'ils prennent la décision. Tout à fait. Et pour bien du monde, ça va être pareil. Ils vont pas arriver devant l'escalier ou l'escalateur. Je prends l'escalateur ou je prends l'escalier. Exact. Non, ils se posent pas la question. Ils prennent l'escalateur. C'était même pas un choix qui existait. Ça, exactement. Ouais. Exact. C'est quand on disait au départ. Que là, ça leur met ce choix-là en face. Bah, en fait, ils y pensent du coup. Ah ouais, tiens, si je prenais l'escalier. Exact, c'est un choix qui existe. Hein? Ouais. C'est comme quand je disais au départ, ça modifie l'architecture des choix, hein? Voilà, le menu des choix, ouais, l'éventail des choix. Ça révèle les choix. Exact, il y avait un choix qui était même pas existant au départ. Mais là, tout d'un coup, hop, oui, c'est vrai. Qu'est-ce que je fais avec mon mégot de cigarette? Habituellement, je le jette comme ça, sans y penser par terre. Mais Alors, ça modifie les choix. Mm. Puis là, on a tendance à... la mauvaise décision, dans ce cas-ci, c'est arrêter de jeter son mégot par terre. Mm. Et la décision biaisée, si on veut. La bonne décision, bon, ben, c'est de faire un geste pour l'environnement. Hein, à petite échelle, mais quand même. Mm. Et ça, c'est je vous dis, c'est pas quelque chose qui est justement qui est un peu pseudo-science. C'est très, très documenté. Il y a même au Royaume-Uni une équipe qui est dédiée au nudging au gouvernement britannique. Hein, ils l'appellent l'unité nudge. Aux États-Unis, il y a une équipe qui est aussi dédiée à ça, à la Maison-Blanche, hein, le White House Social and Behavioral Team, qui fait du nudging comme ça. Mm-hmm. Alors, les gouvernements même ont emboîté le pas là-dessus, puis ont des équipes, des unités administratives qui s'occupent de conseiller les autorités. De concevoir les nudges. De concevoir les nudges, tout ça, une perspective plus sociale. Ouais. Mm. Ça, c'est une perspective. L'autre perspective qui est... en fait, on a juste mis une étiquette peut-être un peu sexy, là, hein, le boost qu'on appelle, mais c'est une approche qu'on connaît depuis des lunes. C'est de la capacitation, c'est une approche éducative. Hein. Favoriser le développement de compétences, favoriser le développement d'une certaine forme de capacité sur le long terme. Hein. Ça va perdurer après l'intervention. Et donc, le boost, c'est d'encourager, au lieu du nudge, là, encourager le renforcement à long terme des capacités des individus par l'éducation. Alors, on développe des connaissances, des compétences. De ce côté-ci, on n'oriente pas les décisions. Puis ça nous permet, à certains égards, de déjouer les failles de la cognition humaine à travers le développement des compétences puis des connaissances. Alors ça, on connaît ça l'approche éducative, hein? Ce qu'on connaît un peu moins, c'est la manière de développer les compétences. Hein. On en a parlé, je pense, ensemble, à quelques reprises, Valérie. On parle, oui, des biais, mais on parle souvent de développer une certaine forme de pensée systémique. Hein. Hein, penser aux conséquences des conséquences de nos choix quand on prend des décisions. C'est une compétence. Comment la développer, cette compétence de pensée systémique-là, face à la complexité du monde réel? Bien, souvent, on parle d'approche par l'expérience, hein, devenir compétent par la pratique. Des compétences comme ça, comme la pensée systémique, ça se développe pas nécessairement en assistant à une formation magistrale à l'université. Mm-hmm. Hein, ce sont des compétences, donc, non techniques, qui s'apprennent par l'expérience. Et comme je dis souvent un peu à la blague, c'est difficile d'étudier la prise de décision et de favoriser le développement de la pensée systémique chez un décideur politique en lui demandant de prendre telle décision puis d'évaluer les effets après de ces décisions. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on utilise la simulation dans ce cas-ci pour faire de l'apprentissage essai-erreur dans des environnements qui sont protégés, qui n'ont pas de risque dans la vie réelle. Et donc, la simulation, on a la prétention de dire, et ça, je fais ça, moi, avec mes collègues au laboratoire à l'Université Laval, on a la prétention de dire que s'exposer à la simulation, une simulation de prise de décision, ça nous permet de développer la pensée systémique, par exemple, mais d'autres compétences aussi. Mais comment on fait ça, la simulation? Comment tu marches? Comment, si c'est un programme, c'est quoi? La simulation, c'est nous, on utilise le jeu vidéo. Jeu vidéo, la simulation par ordinateur, on parle de micro-mondes, ce sont des simulations fonctionnelles qui nous permettent de reproduire les propriétés des environnements de décision du monde réel, mais dans un laboratoire, puis d'étudier le comportement des décideurs à l'écran, par exemple, devant un écran d'ordinateur. Alors, on les expose à une simulation, ils prennent des décisions, puis on mesure leur performance par la suite. Et ça, de s'exposer à la simulation comme ça, ça nous permet tranquillement d'apprendre à penser en système, plutôt que de penser de manière peut-être un peu réductionniste ou simpliste sur un élément, puis là, je cherche les éléments qui confirment mes a priori, etc. La simulation comme ça, complexe, ça nous permet de d'élargir nos horizons. Ça nous permet aussi de mieux tolérer l'incertitude. En s'efforçant de tolérer cette incertitude-là. Dans les environnements de décision du monde réel, les environnements complexes, les chercheurs en sciences cognitives parlent de « wicked problem », parlent des les méchants problèmes. Ça, c'est l'apanage des environnements de décision du monde réel, les méchants problèmes. C'est des problèmes qui sont difficilement prévisibles, un peu incontrôlables, qu'on ne sait pas comment les régler. Il n'y a pas une seule solution, il y en a plusieurs. Alors, c'est s'exposer à la simulation, ça nous permet d'être plus tolérant face à ce genre de problème-là. Pas se précipiter, pas prendre des décisions impulsives non plus. Donc, développer la tolérance à l'incertitude comme une compétence aussi, à travers l'exposition à la simulation. Mais là, dans ce cas-là, ça veut dire que est-ce qu'on doit, avant de prendre une décision, aller se soumettre à ce genre de simulation, faire des essais, des simulations faire des essais-erreurs, regarder ce que ça donne et puis... C'est l'apprentissage par la pratique, c'est vraiment ça. Il y a beaucoup de... on parle de simulations dans le laboratoire, mais il y a des simulations qui sont disponibles sur Internet gratuites. Par exemple, si on prend l'environnement financier, des simulations d'investissement en bourse, par exemple. Il y en a des gratuites sur Internet. Ça nous permet de voir un peu, si je prends telle décision, quel est l'impact de ma décision? Qu'est-ce que ça change dans le système? Alors ça, c'est un exemple de simulation accessible, disponible, qui nous permet d'expérimenter un peu la complexité. Et en expérimentant ça, ça nous permet de voir que, j'ai pris telle décision, je pensais que ça allait avoir tel résultat dans les jours qui ont suivi, ça n'a pas eu l'effet escompté. Pourquoi? Alors là, on s'amène à un second niveau de réflexion, un troisième niveau de réflexion, on va un peu plus loin que le raisonnement qu'on a habituel. Puis ça nous permet aussi de faire l'effort de mettre à l'épreuve nos préjugés. Tu sais, nos a priori, comme je disais tantôt, nos croyances. Dans la littérature, ce qui est intéressant aussi dans cette approche de boost-là, d'approche de capacitation, ou approche éducative plutôt que le nudge, c'est que ça nous dit de utiliser vos arguments, puis formuler des auto-objections. Parlez-vous, débattez-vous à vous-même. Ça, ça nous permet de développer des compétences aussi. Moi, je suis une personne qui pense... politiquement, je suis de centre-droit. Exemple, c'est un exemple que je donne. Qu'est-ce que les gens de centre-gauche pensent? Qu'est-ce que les gens de gauche pensent sur tel enjeu? Et ça nous amène à être nuancés, beaucoup plus nuancés, de formuler des contre-arguments comme ça. Puis aussi, un dernier élément qui est intéressant à souligner, c'est... et ça, c'est peut-être qu'il y a des gens qui ont trouvé ça plus difficile, c'est de justifier son raisonnement à haute voix devant des pairs aussi. Ouais, ça, c'est plus difficile. Un petit peu. Certainement. Là, j'ai un raisonnement, je prends telle décision, pourquoi? Bon, ben, explique-nous-le, ton raisonnement. Comment t'as fait pour te rendre là, tu sais? C'est ça. Mais peut-être que justement, en le verbalisant, c'est là qu'on va prendre conscience de nos biais. Ben, c'est ça. Puis souvent, moi-même, je fais ça. Je fais ça souvent, t'sais. J'ai un doctorat en psychologie de la décision, puis je suis pas un très bon décideur. Mais, tu sais, on prend une décision, puis là, j'en parle à ma conjointe, puis là, elle me dit, ben là, t'es-tu sûr de cette décision-là? Puis là, t'es allé où pour en arriver là? Ben là, j'ai fait penser à, ah ouais, non, ça, c'est pas bon, finalement. Puis là, on réfléchit. Ouais. C'est comme de la métacognition. Hein? Ben, c'est ça, effectivement. Ouais. Le fait de devoir le mettre en parole, de le verbaliser, ça ralentit un petit peu le système cognitif. Ouais, ça nous ralentit. C'est ça. Ouais. Parce que des fois, là, le biais cognitif, en fait, c'est un raccourci, puis ça va très vite. On n'en a pas conscience parce qu'il est très rapide, mais le fait de verbaliser, ça ralentit le système et ça nous oblige à en prendre conscience, peut-être. Oui, c'est intéressant ce que tu dis parce que c'est un peu, tu fais un peu référence aux deux vitesses de la pensée qu'on a un petit peu discuté la dernière fois. La vitesse 1 qui est la vitesse intuitive, hein, qu'on ne contrôle pas, qui est un peu l'intuition, les raccourcis, les heuristiques comme ça. Puis faire appel à la vitesse 2 qui est attends un peu, je vais me calmer, je vais réfléchir, je vais tenter de collecter le plus d'informations possible, pas trop non plus parce que trop d'informations ça va tuer l'information, mais un peu d'informations, suffisamment d'informations pour prendre une décision qui est éclairée. Ah ouais. Fait qu'il y a ça aussi, on est toujours dans l'arbitrage entre la vitesse 1 et la vitesse 2. Ah ouais. Mais ça, c'est intéressant, la solution de verbaliser, parce que c'est quelque chose qu'on peut plus facilement mettre en œuvre, alors que la simulation n'a pas forcément l'outil de simulation pour toutes les situations qu'on aurait à juger, dans lesquelles on aurait à prendre des décisions. Puis, alors que la verbalisation, on peut toujours le faire. Mais sur la simulation, est-ce qu'il existe puis vraiment rapidement, là, dans la petite minute qui nous reste, est-ce qu'il existe des outils de simulation qui seraient propres aux décisions politiques? Et est-ce que ça pourrait devenir un outil qui serait mis à profit des décideurs politiques? De même que les ingénieurs ont des simulations pour simuler l'efficacité énergétique de leurs bâtiments. Tout à fait, tout à fait. C'est un cas... très spécifique, très intéressant ce que tu amènes. Moi, c'est vraiment mon dada, ça, la prise de décision politique. Puis, je dirais que dans le cadre de nos recherches, qu'on utilise, c'est des jeux vidéo, des jeux sérieux. Hein? Ouais. Donc, pas juste pour des visées purement vidéoludiques, mais des visées qui sont sérieuses pour la recherche. Puis, il y a des simulations de prise de décision politique. Il y en existe quelques-unes. Vous pouvez aller voir sur les sites comme Steam ou ces choses-là qui ont différentes simulations. Mais il y en a une que j'utilise particulièrement qui s'appelle Democracy. Democracy 3 ou il y a le quatrième qui est sorti, qui reproduit bien les propriétés de la complexité puis qui nous met face à la gestion d'un État. Hein? Mm-hmm. Hein? Tu es première ministre du Québec, tu es premier ministre du Québec. Tente de satisfaire l'opinion populaire pour être réélu à la fin d'un mandat de 4 ans. Alors, c'est tout un défi, mais c'est devant nous, puis les outils d'aide à la décision, bien, on va tenter de les développer au maximum pour aider notre monde. Exactement. Ben, je pense qu'on va avoir besoin d'autres occasions que tu viennes nous parler pour nous expliquer tous ces outils d'aide à la décision qui vont peut-être pouvoir nous aider dans nos propres décisions à nous. Absolument. Alors, merci beaucoup, Benoît. Et je rappelle que tu es docteur en psychologie de la décision, chercheur au laboratoire CODOT à l'Université Laval.